elle rigole, elle fait la fête. Et je picole, j'suis endetté. Here we go, ça va le faire. 13 mars c'est l'usine, ça bosse en ND. Here we mets, si j'm'y mets, tu vas plainter. Fais fumer, j'suis le bendé. J'ai trimé dans ce merdier. Mais t'inquiète frère, ouais, j'en sortirai vainqueur. En attendant ma paix, j'attends ton décès. Personne nous effraie, pas dans le fessier. J'ai descendu la tête, gueule dans les WC. Mortel de la veille, j'puis grave ma sexe. Graine de café sur le thorax, chargé sur le T-Max, c'est comme ça qu'on t'aura. Tu parles mal, on se déplace, au pire lâche des pressions. C'est la fin de l'épisode, c'est comme ça que tu mourras. Oui, oui, on a goûté la misère. Soldats du désert, mes capilles, mes chaouis. Promets-nous du désert, tu sais pas ce qu'on préserve. Une balle dans la visière, même si je prends 10 ans, je te soulève à 6 heures. Pas le temps d'espérer ou de rester dans l'ombre. J'ai ton chat à fouetter, oui, j'ai les dents longues. Pas le temps d'espérer ou de rester dans l'ombre. Je mets dans le quartier à la fuite de l'ombre. On va te monter dessus. Aïe, aïe, aïe, chez moi les tignes ont du vécu. Aïe, aïe, aïe, toi t'as su, c'est ça, c'est su. Aïe, aïe, aïe, et tu me fais la meuf au cul. Bella, ciao, bye, bye. Elle veut que je quitte la street. Bella, ciao, bye, bye. Non, je peux pas quitter la street. Grâce à elle, j'maille, j'maille. Elle veut que je quitte la street. Bella, ciao, bye, bye. Non, je peux pas quitter la street. Grâce à elle, j'maille, j'maille. L'argent mécanique, j'ai plus tout le pack. Du sang sur les canines, j'ai moi c'est tout pack. Je me sens pas libre, pourtant je suis tout bar. Allez, rince ton calibre, t'as tiré les regards. Ouais, je vais les traumates, la con que je fais trop mal. Je baisse ta groupie, je lui mets dans le mal. Je t'arrache ta tête, je relève le col. Toujours la classe, Eric Antona. Dans ton quartier, c'est la Gestapo. Tu veux ton tête, allez, qu'est-ce t'attends. 13ème mars, c'est les ports battants. Tout tu taffes ou tu pars, rien de la liste d'attente. Lâche avec Antox, la force. Tous les jours, ça bosse, ça bosse. Les rappeurs font les migos, migos. Le rap game, je lui fais des gosses, des gosses. J'ai fumé le 7 juin, c'est ma date. Il te pète le week-end, c'est légal. J'ai bu ta slash, je rabatte. Je nique la PN et la BAC. J'suis dans la TN, t'en as pas. Location BM, plein phare. Montre son système, bien fort. Mon rap passe de partout, boy.